L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Éric Simon. Cela fait maintenant 12 ans que la sonde Cassini enregistre des données en orbite autour de Saturne. Parmi ses nombreux instruments, la sonde possède un analyseur de grains de poussière qui en a détecté des millions, pour la grande majorité d'entre eux, faits de glace. Mais parmi tous ces grains, il y en a 36 qui sont très différents des autres. Le Cosmic Dust Analyzer, CDA, de Cassini, a permis d'analyser la composition chimique de ces 36 grains. Les chercheurs en déduisent que cette trentaine de grains de poussière provient de l'extérieur de notre système solaire, du milieu interstellaire. Ce n'est pas une première, car les sondes Ulysse dans les années 90, puis Galileo 10 ans plus tard et Stardust en 2014, avaient déjà trouvé quelques grains de poussière du même type. Ces grains de poussière proviennent du nuage interstellaire local, une bulle de gaz et de poussière que le système solaire et son cortège de planètes est en train de traverser. Les scientifiques responsables de l'instrument CDA de Cassini, autour de Nicola Altobelli de l'ESA, espéraient depuis longtemps pouvoir attraper quelques spécimens poussiéreux en cherchant dans la bonne direction et en sélectionnant la bonne vitesse. La traque s'est déroulée depuis le début de la mission et CDA a capturé en moyenne quelques grains interstellaires par an ayant une grande vitesse et montrant une direction très différente de celle des nombreux autres grains de poussière saturniens. Ces grains de poussière ont une vitesse si importante, 72 000 km/h, qu'ils ne peuvent pas être capturés ni par l'attraction gravitationnelle de Saturne, ni par celle du Soleil. Alors que les sondes précédentes n'avaient que détecté la présence de ces grains très rapides, la nouveauté apportée par Cassini est qu'elle a pu effectuer leur analyse chimique. Ces grains ne sont pas constitués de glace, mais d'un mélange de minéraux particuliers et sont étonnamment similaires entre eux. On y trouve les composants des roches, magnésium, silicium, fer, calcium et oxygène, sous la forme de silicates riches en magnésium avec des inclusions ferreuses. L'équipe de Nicola Altobelli montre dans son article publié dans Science, en revanche, que des éléments plus réactifs comme le carbone ou le soufre sont moins abondants que la moyenne estimée du nuage local. La grande similitude dans la composition de ces 36 grains de poussière est inattendue. En effet, cette matière provenant d'explosions d'étoiles et le type d'étoiles pouvant être assez divers, les chercheurs s'attendaient à trouver des compositions chimiques variées. Une autre surprise est que ces grains ne semblent pas aussi vieux et primitifs que ceux que l'on peut trouver dans des météorites anciennes. Nicola Altobelli et ses collaborateurs pensent que ces grains de poussière interstellaire, provenant d'une région de formation d'étoiles de troisième génération, pourraient être détruits puis recondensés plusieurs fois dans un processus répétitif à chaque passage d'une onde de choc produite par une explosion d'étoiles de la génération précédente, avant d'être finalement accélérée une dernière fois pour arriver au niveau du système solaire. Nicola Altobelli précise « La longue durée de la mission Cassini nous a permis de l'utiliser comme un observatoire de micrométéorites, nous donnant un accès privilégié à la poussière de l'extérieur du système solaire qui aurait été inaccessible autrement. » La mission Cassini se poursuit pour encore une bonne année autour de la Belle aux Anneaux et qui sait, avec peut-être l'analyse de quelques nouveaux petits grains de poussière venus de loin. L'article de Nicola Altobelli et ses collaborateurs est paru dans Science le 15 avril 2016 dans le volume 352. Il a pour titre « Flux and Composition of Interstellar Dust at Saturn from Cassini's Cosmic Dust Analyzer ». À très bientôt sur Ça se passe là-haut. Restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr, le blog où l'univers se contemple indéfiniment et le blog où Saturne se contemple indéfiniment aussi. Vous retrouvez ce podcast sur podcloud.fr, sur iTunes et sur YouTube. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux au ciel Restez bien les yeux sur Saturne, le soir vers l'horizon est, à côté de Mars, oui, et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut !